إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، donc inshallah nous entamons un nouveau cours tiré toujours du même livre الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Le fiqh, la jurisprudence simplifiée à la lumière du Coran et de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Salatul Eidain, la prière des deux fêtes. Donc en islam, il n'y a que deux fêtes qui sont légiférées et reconnues. Eid al-Fitr, qui va pas tarder à arriver inshallah d'ici 2 à 3 jours, qui est la fête de la rupture du jeûne, le premier jour de Shawwal, juste après le mois de Ramadan. Et on a aussi Eid al-Adha, la fête du sacrifice, lorsqu'on égorge la bête pour la fête du grand Eid. Et c'est le 10e jour de Dhul-Hijjah. Ce sont les seules fêtes reconnues en islam, il n'y en a pas d'autres. Wal-Eidan huma Eid al-Adha wa Eid al-Fitr. Donc les deux fêtes sont Eid al-Adha et Eid al-Fitr. وكلاهما له مناسبة شرعية. Et chacun est lié à un moment religieux, à une occasion religieuse. فعيد الفطر بمناسبة انتهاء المسلمين من صيام شهر رمضان. عيد الفطر, c'est au moment où les musulmans terminent le jeûne du mois de Ramadan. والأضحى بمناسبة اختتام عشر ذي الحجة. عيد الأضحى, c'est le moment où on termine les 10 premiers jours du mois de ذو الحجة. وسمي عيدا لأنه يعود ويتكرر في وقته. Et ces jours ont été appelés عيد, fête, parce qu'ils se répètent. Une fois dans l'année, au même moment, ce jour-là revient. حكمها ودليل ذلك, le jugement de cette fête est la preuve de cela. صلاة العيد فرض كفاية, la prière de la fête de l'Eid est une obligation qu'on appelle kifaya, c'est-à-dire qui concerne une partie de la communauté. Les obligations qu'on appelle kifaya, ce sont des obligations que si une partie de la communauté l'applique, l'autre partie de la communauté qui ne l'a pas appliquée ne commet pas de péché. À la différence d'une obligation qui est propre à chaque personne. إِذَا قَامَ بِهَا الْبَعْضُ سَقَطَ الْإِثْمُ عَنِ الْبَاقِينَ. Donc si certains viennent à le pratiquer, ce ne sera pas un péché pour ceux qui ne l'ont pas fait. وَإِذَا تُرِكَتْ مِنَ الْكُلِّ أَثِمَ الْجَمِيعَ. Mais si personne ne l'applique, tout le monde ne l'a pas fait, alors tout le monde est dans le péché. لِأَنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ. Car cela fait partie des emblèmes et des symboliques de l'islam apparent et manifeste. وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ دَاوَمَ عَلَيْهَا. Et aussi parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a toujours fait, il ne l'a jamais délaissé. وَكَذَلِكَ أَصْحَابُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْ بَعْدِهِ. De même ont agi ainsi ses compagnons, radiyallahu anhum. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء، إلا أنه أمر الحيض باعتزال المصلى. De sorte que même le prophète sallam a ordonné aux femmes d'y assister et de participer à cette prière, sauf que les femmes qui sont en état de menstrue, donc qui sont indisposées, qui ne peuvent pas accomplir la prière, elles viennent pour écouter le discours et s'éloignent du lieu de prière pour laisser les gens prier, car elles ne sont pas en état de le faire. Mais elles assistent à ce grand bien et elles écoutent le rappel qui sera dit et prononcé. وهذا مما يدل على أهميتها. Et ceci vient prouver son importance. وعظيم فضلها. Et la grande récompense et la grande valeur qu'a cette prière. لأنها إذا أمر بها النساء مع أنهن لسن من أهل الاجتماع فالرجال من باب أولى. Car si le prophète sallam a ordonné, a demandé que les femmes assistent à ces prières, alors qu'à la base, elles ne sont pas obligées d'assister à la prière en groupe, alors que dire des hommes ? وَمِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ يُقَوِّي كَوْنَهَا فَرْضُ عَيْنِ Et il y a parmi les savants qui voient que la salat al-Eid est une obligation pour chaque musulman, pas seulement une partie de la communauté, mais pour tous les membres de la communauté. شُرُوطُهَا Les conditions de salat al-Eid. وَمِنْ أَهَمِّ شُرُوطِهَا دُخُولُ الْوَقْتِ ووجود العدد المعتبر والاستيطان. Parmi les conditions les plus importantes, il y a l'entrée de l'heure, le nombre suffisant de personnes qui y participent, et aussi d'être résident, c'est-à-dire de ne pas être en état de voyage. فلا تجوز قبل وقتها ولا تجوز في أقل من ثلاثة أشخاص ولا تجب على المسافر غير المستوطن. Donc elle n'est pas permis cette prière avant son heure, et elle n'est pas permis si il y a moins de 3 personnes présentes, et elle n'est pas obligatoire pour le voyageur qui n'est pas résident. المواضع التي تصلى فيها, les lieux où on prie salat al-Eid. يسنوا أن تصلى في الصحراء خارج البنيان. La sunna, la tradition, c'est de prier salat al-Eid en dehors de la ville, dans un terrain vide, désert. Ça, c'est le mieux à faire, c'est de sortir de la ville, de sortir du village, dans un terrain vide, et d'accomplir la prière dedans. Les hadiths d'Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى. الحديث رواه البخاري ومسلم. On a le hadith de Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه qui dit: le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il voulait accomplir la prière de l'Eid al-Fitr et de l'Eid al-Adha, il sortait vers le lieu de prière al-Musalla, c'est-à-dire en dehors de la mosquée, dans un terrain vide qui était réservé pour la prière de l'Eid qu'on appelle Al-Musalla. والقصد من ذلك والله أعلم إظهار هذه الشعيرة وإبرازها. Et l'objectif de cette action de sortir de la ville et de la faire dans un terrain vide, de se rassembler dehors, et Allah est bien plus savant, l'objectif de cela c'est de manifester et de montrer cet emblème de l'islam. ويجوز صلاتها في المسجد الجامع. Et il est aussi permis de la prier dans les grandes mosquées, la grande mosquée dans laquelle les musulmans se réunissent. من عذر كالمطر والريح الشديد ونحو ذلك, surtout si il pleut ou alors il y a des grands vents ou des tempêtes et d'autres raisons connues. وقتها, son heure, le temps où la prière de l'Eid elle est légiférée. ووقت صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح الى وقت الزوال. Donc صلاة العيد, عيد الفطر, عيد الاضحى, son heure c'est comme l'heure de صلاة الضحى. صلاة الضحى est une salat qui est recommandée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, qu'il a pratiqué et il a demandé de la faire. C'est la même heure que Salat al-Duha, qui commence après le lever du soleil d'une distance d'une lance. C'est un calcul. En général, les ulama, ils disent que c'est à peu près 20 minutes. 20 minutes, une demi-heure après le lever du soleil. Jusqu'à Az-Zawal. Et Az-Zawal, c'est le zénith. Le zénith, c'est lorsque le soleil est en plein milieu du ciel. C'est juste avant l'heure de Dhuhr. Dès qu'il commence à pencher du milieu du ciel, c'est l'heure de Dhuhr. C'est ce qu'on appelle le zénith. Donc ça, c'est le temps où il est légiféré d'accomplir la prière de l'Eid. لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس. Car le prophète صلى الله عليه وسلم et ses califes l'a prié après le lever du soleil. ولأن ما قبل ارتفاع الشمس وقت نهي. Et aussi parce que l'horaire avant le lever du soleil, c'est un horaire où il est interdit de prier. Lorsqu'on a fait la prière de l'Fajr jusqu'au lever du soleil, c'est un horaire où il est interdit de prier. وَيُسَنُّ تَعْجِيلُ الْأَضْحَى فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا وَتَأْخِيرُ الْفِطْرِ. Et il est recommandé, il est conseillé de faire la prière de Eid al-Adha le plus tôt possible. Dès que l'heure elle entre de la salat al-Eid, c'est mieux de ne pas la retarder. Contrairement à la salat de Eid al-Fitr, qui elle, il est recommandé de la repousser un peu. لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Car c'est ainsi qu'a agi le prophète صلى الله عليه وسلم. وَلِأَنَّ النَّاسِ فِي حَاجَةٍ إِلَى تَعْجِيلِ الْأَضْحَى لِذَبْحِ الْأَضَاحِ. Et aussi parce que pour Salat Eid al-Adha, la fête du sacrifice, les gens sont dans le besoin d'être libérés pour pouvoir aller sacrifier leurs bêtes. وَهُمْ فِي حَاجَةٍ إلى امتداد وقت صلاة الفطر ليتسع لأداء زكاة الفطر. Alors que pour Salat Eid al-Fitr, de la rupture du jeûne, le mieux c'est de la retarder pour permettre aux gens et leur laisser le temps de distribuer et de donner leur zakat de l'fitr. صفتها وما يقرأ فيها. La manière de la prier et ce qu'il faut réciter dans cette prière. وصفتها ركعتان قبل الخطبة. La manière de la prier, c'est deux rak'at, deux unités de prière avant la khutbah, contrairement à Salat al-Jumu'ah. Salat al-Jumu'ah, il y a les deux khutbahs et après il y a la prière. Salat al-Eid, que ce soit Eid al-Fitr ou Eid al-Adha, on prie d'abord et après il y a la khutbah. لقول عمر رضي الله عنه صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى رواه أحمد والنسائي والبيهقي وهو صحيح. Pour la parole du prince des croyants, le deuxième grand calife de l'islam, Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه, qui a dit: la prière de la fête de l'Fitr et la prière de la fête de l'Adha, c'est deux rak'at. Ce sont des prières complètes. Ce n'est pas un raccourcissement ou une diminution d'une prière. C'est une prière qui est complète. Elle ne comporte que deux rak'at. Ceci, c'est un enseignement pris de la bouche du prophète, de votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et a perdu celui qui viendrait à proférer un mensonge à son encontre. Cette citation de Omar radiallahu anhu est rapportée par Ahmed et An-Nasa'i al-Bayhaqi et elle est authentique. يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ ستا. Donc après le premier takbir, le takbir qu'on appelle takbirة الإحرام, le takbir, le fait de dire Allahu Akbar, le takbir de sacralisation, parce qu'on entre dans la prière, après ce takbir là on en fait 6. On fait 6 fois le takbir. Avec takbirat al-ihram, ça en fait 7. Et ceci, bien sûr, avant de réciter le Coran. وَفِي الثَّانِيَةِ قبل القراءة خمسا غير تكبيرة القيام. Et pour la deuxième rak'a, après le takbir de ce, du lever, le takbir pour lequel on s'est levé, on en fait cinq après celui-là, ce qui en fait six. لحديث عائشة مرفوعا رضي الله عنها التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع. الحديث رواه أبو داود وهو صحيح. On a le hadith de Aïcha رضي الله عنها que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit le takbir pour les prières de l'fitr et la prière de l'adha. Pour la première rak'a, c'est 7 fois, et dans la deuxième, 5 fois, en dehors des deux takbirs du recours de l'inclinaison. Le hadith rapporté par Abu Daoud et il est authentique. وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ Et il lève ses deux mains à chaque fois qu'il fait le takbir. لِأَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ Car le prophète صلى الله عليه وسلم levait les mains au moment de dire le takbir. Wal hadith rawahu Ahmed wa hassanahu al-Albani, rapporté par Ahmed et rendu bon par al-Albani. Thumma yaqra'u ba'da al-isti'adha jahran bi ghayri khilaf. Puis après avoir dit a'udhu billahi minash shaitanir rajim, il récite à voix haute, c'est-à-dire l'imam, parce que la prière se fait en groupe, donc l'imam il récite à voix haute, il n'y a pas de divergence là-dessus. Wa yaqra'u al-Fatiha, et il récite la sourate Al-Fatiha. Wa fil oula bi sabbih isma rabbika al-a'la. Et après Al-Fatiha, dans la première unité de prière, dans la première rak'a, il récite la sourate Al-A'la, le plus élevé, sabbih isma rabbika al-a'la. Wa fi thaniya bil ghashiya. Et dans la deuxième rak'a, dans la deuxième unité de prière, après la sourate Al-Fatiha, il récitera la sourate Al-Ghashiya, qui est hal ataka hadith al-Ghashiya. لقول سمرة رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية والحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. On a le hadith de سمرة رضي الله عنه qui dit que le prophète صلى الله عليه وسلم récitait pendant les prières de l'Idain, des deux fêtes, سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى et هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ rapporté par Ahmed ibn Majah et authentifié par Al-Albani. وَصَحَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِقَاف وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَفِي الثَّانِيَةِ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرِ الحديث أخرجه مسلم. Il a été aussi authentifié dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui est arrivé de réciter durant les prières de la fête, les prières de l'Eid, dans la première rak'a après le Fatiha, qaf wal Qur'an il majid, et dans la deuxième rak'a après le Fatiha, iqtarabat al-sa'atu wa anshaqqa al-qamar. Donc la sourate qaf et la sourate al-qamar. Le hadith rapporté par Muslim. Fayura'i al-ityan bi hadha marratan wa hadha marra. Et le mieux, c'est que l'imam, des fois il récite ces sourates-là et d'autres fois il récite ces sourates-là. وَعَمَلًا بِالسُنَّةِ Comme ça, il aura appliqué la tradition du prophète عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَعَ مُرَاعَاتِ ظُرُوفِ الْمُصَلِّينَ Bien sûr, en faisant attention à la situation et à l'état des gens qui sont derrière lui. فَيَأْخُذُهُمْ بِالْأَرْفَقِ Et il ira avec eux dans ce qui est le plus simple et le plus facile pour eux. موضع الخطبة Le moment où la khutbah est demandée. موضع الخطبة في صلاة العيد بعد الصلاة Le moment où la khutbah est demandée, elle est légiférée pour la prière de l'Eid, pour la prière de la fête, c'est après avoir accompli la prière. لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة الحديث رواه البخاري ومسلم d'après عبد الله بن عمر رضي الله عنهما qui dit le prophète صلى الله عليه وسلم أبو بكر et Omar radiallahu anhuma priaient les prières de l'Eid avant la khutbah, avant le discours. Qada ul Eid, comment rattraper la prière de l'Eid si la personne elle a raté la prière de l'Eid, elle a tardé à venir, comment il fait? La yusannu liman fatathu salatul Eid qada'uha. Ce n'est pas légiféré ni demandé à la personne de rattraper la prière de l'Eid lorsque il l'a loupé. Li'adami wurud ad-dalil 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bidhalika, car on n'a aucun texte qui viendrait nous parler de cela d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi parce que c'est une prière qui est liée à un regroupement de la communauté bien précis. Et donc, elle n'est légiférée que de cette manière. Sunanuha, les actes recommandés pour cette prière. Yusannu an tu'adda salatul Eid fi makanin bariz wa wasi'. Il est légiféré d'accomplir la prière de l'Eid dans un lieu qui est vide, dans un terrain vide et qui est apparent et qui est vaste. Kharij al-balad, qui est à la sortie du village ou de la ville. Yajtami'u fihi al-muslimun li'idhhari hadhihi ash-sha'ira. Les musulmans se réunissent dans cet endroit pour manifester et bien montrer au grand jour cet emblème de l'islam. Et si elle est priée dans la mosquée pour une raison valable, il n'y a pas de mal en cela. Et il est légiféré, il est recommandé de ne pas retarder la prière de Al-Adha, du sacrifice, et de retarder un peu la prière de Salat Al-Fitr. كما تقدم بيان ذلك عند الكلام على وقتها, comme on a vu cela précédemment lorsqu'on a parlé de l'horaire, de l'heure de cette prière. وأن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات. Il est légiféré, il est recommandé de manger quelques dattes avant d'aller à la prière de Salat al-Fitr. Ceci pour bien montrer qu'on n'est plus en état de jeûne. Hein, pour montrer qu'on n'est plus en état de jeûne. وأن لا يطعم et de ne pas manger avant d'avoir accompli la prière de Al-Adha, la prière du sacrifice. Il ne mange qu'après avoir prié. Lifi'lihi sallallahu alayhi wa sallam, car c'est ainsi qu'a agi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فكان لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر على تمرات يأكلهن وترا. Le prophète sallam ne sortait pas pour accomplir la prière de Salat Eid al-Fitr, la salat de la rupture du jeûne, la salat de la fête de la rupture du jeûne, qu'après avoir mangé quelques dattes dans un nombre impair. Le hadith est rapporté par al-Bukhari. C'est à ce moment-là que le nombre de dattes impair est demandé, et non pas à la rupture du jeûne. Le soir, lorsqu'on on a jeûné la journée et qu'on mange, cela, ce n'est pas demandé de s'arrêter un certain nombre. Bien qu'à la base, l'impair, c'est bien. Mais là où c'est rapporté pour les dates, c'est pour ce moment-là. Pour ce moment-là. Et il ne mangeait pas avant la fête, la prière de la fête du sacrifice, jusqu'à qu'il ait accompli la prière. Le hadith rapporté par Tirmidhi ibn Majah est authentifié par الألباني ويسن التكبير في الخروج لصلاة العيد بعد صلاة الصبح ماشيا. Et il est recommandé de faire le takbir, le fait de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, hein, pendant la fête de l'Eid, hein, en allant vers l'endroit de la prière à pied. Le mieux, tant que c'est possible, c'est d'y aller à pied et non pas sur une monture. ليتمكن من الدنو من الإمام. Et aussi pour qu'il soit le plus proche possible de l'imam. Et qu'il gagne aussi la récompense de l'attente de la prière. C'est-à-dire qu'il y va tôt. Il ne tarde pas à y aller. Le mieux, c'est d'y aller juste après la prière de l'Fajr. D'y aller juste après la prière de l'Fajr et d'attendre la prière de l'Eid. وَيُسَنُّ أَنْ يَتَجَمَّلَ الْمُسْلِمُ وَيَغْتَسِلُ وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ الثِّيَابُ وَيَتَطَيَّبُ. Il est recommandé aux musulmans de se faire beau pour ce jour, de s'embellir, de se laver, c'est-à-dire de prendre une douche, et de mettre ses plus beaux habits et de se parfumer. وَيُسَنُّ أَنْ يَخْطُبَ فِي صَلَاتِ الْعِيدِ بِخُطْبَةٍ جَامِعَ شَامِلَةٍ لِجَمِيعِ أُمُورِ الدِّينِ. Il est recommandé pour l'imam qui va prononcer le discours de la prière de l'Eid de faire un discours qui englobe tous les sujets et toutes les questions en résumé de la religion. Donc qu'il fasse un discours qui soit général et bénéfique. وَيَحُثُّهُمْ عَلَى زَكَاتِ الْفِطْرِ. Et il les encourage et il les pousse à la zakat al-fitr, à donner zakat al-fitr. وَيُبَيِّنُ لَهُمْ مَا يُخْرِجُونَ. Et aussi il leur explique et leur détaille ce qu'il faut sortir comme zakat al-fitr, les différentes sortes de denrées à sortir pour zakat al-fitr. وَيُرَغِّبُهُمْ فِي الْأُضْحِيَّةِ. Et il les encourage, il les pousse aussi à accomplir le sacrifice de la bête. وَيُبَيِّنُ لَهُمْ أَحْكَامَهَا. Et il leur montre, il leur détaille les règles de ce sujet. وَتَكُونُ لِلنِّسَاءِ فِيهَا نَصِيبٌ. Et les femmes doivent avoir une part aussi dans ce discours. لِأَنَّهُنَّ فِي حَاجَةٍ لِذَلِكَ. Car elles sont dans un grand besoin de cela. وَاقْتِدَاءً بِالنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et c'est une manière aussi de suivre et de prendre comme exemple le prophète عليه الصلاة والسلام. فَقَدْ أَتَى النِّسَاءَ بَعْدَ فَرَغِهِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ. Car le prophète sallam, après avoir accompli la prière et la khutba, il s'est rapproché des femmes et il leur a fait une exhortation et il leur a fait un rappel. وَتَكُونُ بَعْدَ الصَّلَاةِ كَمَا سَبَقَ. Le discours se fait après la prière, comme nous avons vu précédemment. Et il est recommandé de beaucoup se rappeler d'Allah tabaraka wa ta'ala en faisant le takbir, de dire Allahu Akbar, et le tahlil, de dire La ilaha illallah. لقوله تعالى ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم. Sourate Al-Baqarah. Pour la parole d'Allah, élevé soit-il dans le sens du verset, pour que vous complétiez, vous terminez la période à jeûner, et après avoir terminé ce mois de jeûne complètement, que vous glorifiez, que vous prononciez la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala pour vous avoir guidé. La sourate Al-Baqarah, numéro 2, la vache, le verset numéro 185. وَيَجْهَرُ بِهَا الرِّجَالِ في البيوت والمساجد والأسواق ويسر به النساء. Les hommes le feront à voix haute, que ce soit dans leur demeure, dans leur maison, dans les mosquées, dans les marchés, là où ils se trouvent. Et les femmes, elles le font à voix basse. مخالفة الطريق. De changer de chemin. La sunna pour la prière de l'Eid, c'est qu'on prend un chemin pour y aller et on prend un autre chemin qui diffère pour retourner chez soi. Donc de changer de chemin. فَيَذْهَبُ إِلَى الْعِيدِ مِنْ طَرِيقٍ وَيَرْجِعْ مِنْ طَرِيقٍ آخَرٍ لِحَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. جابر ابن عبد الله رضي الله عنه rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsque c'était pour le عيد, la fête, il changeait de chemin pour le retour. والحديث أخرجه البخاري. Rapporté par Al-Bukhari. وَقِيلَ فِي الْحِكْمَةِ مِنْ ذَلِكَ. Il a été dit pour la sagesse de cette action, le fait de changer de chemin, de prendre un chemin à l'aller et prendre un autre chemin au retour, لِيَشْهَدْ لَهُ الطَّرِيقَانِ جَمِيعًا. Pour que tous ces chemins viennent à témoigner en sa faveur. وَقِيلَ لِإِظْهَارِ شَعِيرَةِ الْإِسْلَامِ فِيهِمَا. Et il a aussi dit, c'est pour vraiment montrer et manifester cet emblème, cette symbolique de l'islam en tout lieu. Et il a été dit aussi, autre que ces sagesses-là. Il n'y a pas de mal que les gens, les uns les autres, se félicitent pour la fête. بأن يقول لغيره تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال. Comme le fait de dire l'un dit à l'autre qu'Allah accepte de nous et de toi les bonnes œuvres accomplies. فكان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Car c'est une action qui était accomplie pratiquée par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma'a idhari al-bashasha wal-farah fi wajhi man yalqah, tout en montrant à la personne que tu croises, à la personne que tu rencontres, à la personne que tu fais face, tu lui montres, tu te mets de face à lui avec un sourire et tu lui montres de la joie. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.